Septième chapitre. Le chat qui dort. Ce que je trouve d'admirable dans les voyages longs ou courts, c'est qu'il y a toujours deux plaisirs certains. Le plaisir du départ et le plaisir du retour. Je ne parle pas de celui du voyage. C'est le moins certain des trois. Je rentrais donc, le visage souriant, laissant errer mon regard bienveillant et satisfait d'un meuble à l'autre. Il y a toujours dans les meubles qui vous entourent quelque chose de vous-même. D'abord, il y a votre caractère, votre goût, votre intimité. Les meubles en acajou, s'ils pouvaient parler, ne raconteraient certes pas la même histoire que les meubles sculptés. Les meubles en palissandre, les mêmes anecdotes que les meubles en bois de rose. Les meubles de boule que les meubles en noyer. Je laissais donc, comme je le disais, aller mon regard bienveillant et satisfait d'un meuble à l'autre. Tout à coup, j'aperçus sur une causeuse placée en retour de la cheminée quelque chose comme un manchon blanc et noir qui n'était pas de ma connaissance. Je m'approchai. Le manchon ronronnait de la façon la plus sensuelle. C'était un jeune chat qui dormait. « Madame Lamarque » criai-je. « Madame Lamarque !» Madame Lamarque était la cuisinière. « Je savais bien que monsieur était arrivé, » dit Madame Lamarque, « et si j'ai tardé à présenter mes devoirs à monsieur, c'est que je faisais une sauce blanche. Et monsieur, qui est cuisinier, c'est avec quelle facilité ça tourne, ces damnées blanquettes. » Oui, je sais cela, Madame Lamarque, mais ce que je ne sais pas, c'est d'où me vient ce nouvel hôte. Et je montrai le chat. Monsieur, dit Madame Lamarque d'un ton sentimental, c'est un Antony. Comment un Antony, Madame Lamarque? Autrement dit, un enfant trouvé, monsieur. Ah ah, pauvre bête. Je savais que cela intéresserait monsieur. Et où l'avez-vous trouvé, Madame Lamarque? Dans la cave, monsieur. Dans la cave? Oui, j'entendais miaou, miaou, miaou. Je me suis dit, ça ne peut être qu'un chat. Vraiment? Vous vous êtes dit cela? Oui. Et je suis descendu, monsieur, et derrière les fagots, j'ai trouvé le pauvre animal. Alors je me suis rappelé que monsieur avait dit une fois, « Madame Lamarque, il faudrait avoir un chat. » J'ai dit cela, moi. Je crois que vous vous trompez, Madame Lamarque. Monsieur l'a dit pour sûr. Alors je me suis dit, puisque monsieur désire un chat, c'est la Providence qui nous envoie celui-ci. Vous vous êtes dit cela, chère Madame Lamarque? Oui, et je l'ai recueilli comme monsieur voit. Si vous éprouvez absolument le besoin de partager votre tasse de café avec un convive, vous êtes parfaitement libre. Seulement, comment l'appellerons-nous, monsieur? Nous l'appellerons Missouf, si vous voulez bien. Comment si je veux? Monsieur est le maître. Seulement, Madame Lamarque, vous ferez attention qu'il ne mange pas mes becs de corail, mes coups coupés, mes calfas, mes veuves et mes bengalis. Ah, si monsieur a peur, dit Michel en entrant, il y a un moyen. Un moyen de quoi, Michel? Un moyen d'empêcher les chats de manger les oiseaux. Voyons le moyen, cher ami. Monsieur, vous avez un oiseau dans une cage. Vous la cachez de trois côtés. Vous faites rougir un grill. Vous mettez le grill du côté de la cage qui n'est pas caché. Vous lâchez le chat et vous sortez de la chambre. Le chat prend ses mesures. Il s'accroupit et d'un bond, il retombe les quatre pattes et le nez sur le grill. Plus le grill est rouge, mieux il est guéri. Merci, Michel. Et le troubadour? Ah, c'est vrai, moi qui oubliais que je venais pour cela. Eh bien, monsieur, c'est fait. Il donne potiche pour 40 francs. Seulement, il demande en retour 2 souris blanches et 1 cochon d'Inde. Mais, Michel, où voulez-vous que je me procure 2 souris blanches et 1 cochon d'Inde? Si monsieur veut me charger de cela, je sais où il y en a, moi. Comment si je veux vous en charger? Mais c'est-à-dire que vous me rendrez le plus grand service en vous en chargeant. Alors, donnez-moi 40 francs. Voici 40 francs, Michel. Michel sortit avec les 40 francs. Sans indiscrétion, dit la mère Lamarque, je voudrais demander à monsieur ce que veut dire missouf. Mais, ma chère madame Lamarque, missouf veut dire missouf. C'est donc un nom de chat, missouf? Sans doute, puisque missouf s'appelait comme cela. Quel missouf? Missouf premier. Ah, c'est vrai, vous, madame Lamarque, vous n'avez pas connu missouf. Et je tombai dans une si profonde rêverie que madame Lamarque eut la discrétion d'attendre à un autre moment pour savoir ce que c'était que missouf, premier du nom.